faut-il franchir pour avoir droit à ton sourire? Combien de portes faut-il pousser pour que tu puisses me regarder? Combien d'étoiles à décrocher pour que tu puisses enfin m'aimer? Tant de questions sont sans réponse, et si pour toi faut y répondre, moi j'y arriverai. Moi j'y arriverai. Pour que tu me laisses espérer, combien de jours à oublier pour être de ta destinée, combien de routes à traverser pour que tu sois de l'autre côté. Tant de questions sont sans réponse, mais si pour toi faut y répondre, moi j'y arriverai. Moi j'y arriverai. Si tu étais la mort, je pourrais me tuer. Si tu étais le feu, j'irais jusqu'à me brûler. Je ne sais par quel miracle, mais j'y arriverai. Moi j'y arriverai. Réponds-moi avant que mes questions me chèrent. Aide-moi à abandonner ce rêve. Je dois y arriver avant t'avoir perdu. Mais aide-moi à atteindre, oui, mon unique but. Il y a trop de questions qui restent sans réponse. Et si pour toi faut y répondre, moi j'y arriverai. Aide-moi et j'y arriverai. Moi j'y arriverai. J'y arriverai.